dire le Seigneur que j'adore. Bientôt sa voix retentira du ciel. À mes regards, l'horizon se colore des purs rayons du soleil éternel. Gloire à toi seul, Seigneur Jésus. S'élève la tempête, je suis en paix car tu veilles sur moi. Je puis, ô mon sauveur, lever la tête. Tu vas venir me prendre auprès de toi. Gloire à toi seul, Seigneur Jésus. Saurais-tu